Je veux pas qu'elle sombre dans le noir, c'est avec elle que je vais grandir. Elle sera là pour moi, parviendra-t-elle à me guérir? Un concept qui la rempage, moi je resterai inoffensif. Je suis seul à la comprendre, pas sûr que demain j'y arrive. Pourquoi son ton est agressif? Moi je suis trop digent pour ça. Je la préfère constructive, qu'elle salue la MIFA pour moi. Elle est présente quand ça va pas, ou pour mettre les choses au clair. Elle est franche, droite, fait mal quand elle est en colère. Tu l'écoutes, elle te branche, elle signe toujours, elle fait la classe. Elle a du style sur une cadence qui varie selon les âges. Elle incarne aucun personnage, elle ne se sert que du vécu. Elle pourrait se lire dans la Torah quand certains textes sentent le PQ. C'est un fou de linge, j'aime terre, quand ça commence à être chaudard. Elle aime foncer à toute allure, à la manière d'un chauffard. Elle ne chante pas, elle kiffe le son, même sans instru, elle se dégonfle pas. Reste en éveil quand toi tu dors, je te parle d'une rime d'insomniaque. Alors comment tu trouves ma rime classique, magique, quand la plupart des grosses salopes iront dire que je suis pas d'éthique. Je suis personne, juste un athlète dans le domaine du cérébral. Dernier morceau du projet, et je vous promets que je me régale. Alors comment tu trouves ma rime classique, magique, quand la plupart des grosses salopes iront dire que je suis pas d'éthique. Je suis personne, juste un athlète dans le domaine du cérébral. Dernier morceau du projet, et je vous promets que je me régale. Elle a un style qu'on connaît pas, mais des messages universels. Demande la paix au Proche-Orient, que les hommes s'orientent vers le ciel. Elle aime rappeler, mais ça je pense, vous étiez tous au courant. Elle inspire le respect, que ce soit Kabbal, Bible ou Coran. Black, blanc, beurre, jaune, vert, elle s'en bat les couilles. Trop costaud face à vos 16, elle sentira même plus les coups. C'est un loup affamé face à une quête interminable. Elle est fraîche quand les jaloux diront qu'elle est vraiment minable. Elle élimine la haine, éradique même sa peine. Elle revendique sa paix, une thérapie de longue haleine. Parfois ses mots vont baliser, mais je sais lui faire confiance. Des fois mes dames canalisées, elle a percé mon enfance. Elle me parle et moi j'écris, je suis esclave de son talent. C'était la petite phase égo trip qui t'aura fait perdre ta langue. Elle est rapide, magique, allez avoue que ça t'agresse. Un véritable génocide, pardonnez ma maladresse. Alors comment tu trouves ma rime classique, magique, quand la plupart des grosses salopes iront dire que je suis pas d'éthique. Je suis personne, juste un athlète dans le domaine du cérébral. Dernier morceau du projet, et je vous promets que je me régale. Alors comment tu trouves ma rime classique, magique, quand la plupart des grosses salopes iront dire que je suis pas d'éthique. Je suis personne, juste un athlète dans le domaine du cérébral. Dernier morceau du projet, et je vous promets que je me régale. Elle m'entraîne dans ce couplet quand ma soeur demande si j'ai de l'inspire. D'un naturel qui fait flipper, t'inquiète, elle se motive. Elle a sa place dans les bouquins, même si elle kiffe pas leur. Elle vise pas l'or comme ses catins, elle signera jamais d'autographe. Je comprends pas ce qui lui arrive, à croire qu'elle est possédée. Elle aime ma vie, mes amis, et reste triste face à un décès. C'est carnage sur carnage, elle est autant cool que sévère. Quand elle vous rend parfois hommage, moi je l'écoute, la laisser faire. Elle en a eu des occasions de faire des sous, mais elle s'en cogne, elle n'a aucune explication. Je sais juste qu'elle est vraiment bornée. Elle s'éloigne de la méchanceté, mais supporte mal la gentillesse. Elle adore orchestrer, le temps passe, elle se met à l'aise. Elle me connaît mieux que toi, ceux qui me connaissent auront compris. Elle ne fera pas de commercial pour preuve ce crime qu'elle a commis. T'aimerais savoir de quoi je parle après un moment de réflexion. En fait c'est juste Marine qui chante ses plus belles illusions.